je t'entends. Tu es où, là? À la chambre mortuaire. En tant que soignant, j'ai travaillé dans des services de soins palliatifs, de services d'oncologie, où j'ai eu souvent, il y a eu souvent des décès. Quand les corps partaient, on s'en occupait, on leur faisait une toilette mortuaire comme il se doit, et ensuite ils partaient. Et je ne savais pas où, enfin plus ou moins, mais je ne savais pas ce qui se passait après en fait, pour la prise en charge des défunts. Et comment ça se passait avec les familles, puisqu'il y a le lien avec les proches. C'est vrai que notre implication était telle et tellement forte et proche de la personne que quand elle partait, il y avait comme une frustration. J'avais envie d'aller jusqu'au bout, en fait, d'accompagner cette personne jusqu'au bout. Donc c'est ce qui m'a amené à chercher un poste en chambre mortuaire, après avoir fait des soins, on va dire, classiques. Oui, l'entre-deux, tout à fait. Quand un défunt est déposé en chambre mortuaire, on est amené à prendre leur identité et puis à voir quel est l'état général du corps, et notamment visage et mains, pour pouvoir le présenter aux familles. La personne reconnaît les mains de son défunt et reconnaît son visage. Ce sont les deux choses que l'on voit en permanence de tout le monde dans la vie, au quotidien. On ne voit de l'autre que ses mains et son visage. Oui, elle vient de décéder. Comment dire ? J'avais affaire d'un coup à des personnes décédées avec une identité, un nom, un visage, mais je ne savais pas comment elles étaient, quoi, comment elles se comportaient. Le seul moment où j'allais être en lien, enfin confronté à une vraie communication avec des mots et des paroles, c'est avec les proches de cette personne. Je découvrais un peu plus qui elle était et comment fonctionnait cette personne et quels étaient ses souhaits. Notre première mission, c'est de faire en sorte qu'elle soit présentable, propre, avec des yeux fermés, parce que des fois c'est compliqué. Donc on a quelques méthodes de soins pour que les yeux restent fermés, fermer la bouche, ce qui n'est pas évident. Donc là aussi on a quelques techniques pour que la bouche soit fermée. Ensuite, on peut être amené à masser les visages pour les détendre. Parce qu'à force, avec l'habitude, on peut voir des visages très tendus, marqués par peut-être les derniers instants avant que la personne parte, si elle était angoissée ou autre, mais c'est vraiment marqué sur le visage, donc on est amené à masser les visages. Et ça a vraiment un effet, c'est un vrai effet, visuellement, on voit que le visage est plus détendu. Les coiffer, et on peut maquiller très légèrement. Ensuite, donc le corps, on le recouvre d'un drap et on ne laisse dépasser que les mains quand on va le présenter, le visage et mains. Et donc, on doit faire en sorte que les mains soient propres. Et pareil, s'il y avait des plaies ou autres à cause des perfs, etc., mettre des pansements, on prend vraiment le temps nécessaire. Et si c'est très long, s'il y a des soins très longs, eh bien, on le prend ce temps. On n'est jamais dans l'urgence comme dans d'autres services. Il y avait quelque chose d'apaisant aussi, du coup, dans notre rôle. Oui, des fois, je me mettais à parler, pourquoi pas, à leur parler, en leur disant que j'allais prendre soin d'elles, que j'allais leur mettre les vêtements que la famille m'avait proposés. Et puis, il m'arrivait des fois de chanter, quand j'étais seul, le week-end notamment. Je chantais dans ce lieu, pour le plaisir de faire vibrer, vibrer les corps. Peut-être avait encore un soupçon d'âme, je ne sais pas. soin du défunt. C'est notre première mission, hors famille, pour faire en sorte que l'image soit la plus juste possible pour le défunt. Et au début, on ne les habille pas, on attend de recevoir les familles. Notre deuxième rôle, c'est de les présenter aux familles pour des recueillements dans une pièce adaptée. Et donc, quand on va chercher les défunts en chambre basse température et qu'on les remonte pour les présenter aux familles, là aussi, c'est un moment super important, en fait, d'accueil déjà pour la famille, les rassurer. Et ensuite, les accompagner jusqu'au salon de présentation. Et voir avec ces personnes si on les laisse seules. Normalement, c'est ce qu'on fait, on les laisse se recueillir dans la solitude. Mais si les patients sont trop en souffrance et qu'on le sent, on peut leur proposer de rester un peu avec eux. Au début, s'ils ont trop peur de voir le défunt, ce qui arrive. On soigne les morts pour guérir les vivants. On a connaissance des souhaits de la personne, hein, qui souhaite une cérémonie religieuse ou pas, ou une incinération, etc. Nous, on se doit de faire respecter ses choix. Et les familles, de se rendre compte qu'on prend soin ou de leur père, ou de leur mère, ou de leurs enfants, ça leur fait le plus grand bien. Et ça leur permet de rentrer dans la première phase de deuil. Puisqu'au début, ils sont en sidération, ils ne veulent pas forcément accepter, ou enfin, ils vivent très mal souvent le décès. Tant que la personne est encore là et qu'on peut la voir, il reste énormément de choses. Il reste même beaucoup, beaucoup de choses. Beaucoup de choses avant que la personne soit vraiment enterrée ou disparaisse dans les lieux. Parce que là, on va dire disparaître. On entend même, bon là c'est particulier ce que je vais te dire, mais c'est très organique, mais des fois on entend quand on les habille, qu'on leur fait des soins, et qu'on est juste à côté d'eux, on peut entendre des mouvements dans le ventre, tu vois, ça c'est des gaz, etc. Enfin tu vois, il se passe tout un tas de choses. Mais après, parce que le corps va aller dans la putréfaction, quoi. Cette transformation, cette alchimie du corps qui se transforme. Dans les cimetières, la destruction des corps, leur putréfaction, etc., et leur transformation dans la terre dégage des gaz, et qu'à un moment donné, il peut y avoir des petits feux follets qui émanent là de ces corps et qui ressortent, et que l'on peut voir. Après, moi, ce que j'aime effectivement, c'est que ce corps se transforme en petite flamme. Quand tout à l'heure on parlait des soins, du soin qu'on peut apporter aux défunts, là on peut encore être acteur de quelque chose pour que ce corps soit beau, présentable, serein. Mais ensuite, on n'est absolument plus acteur de rien. Conscience de la situation, à quoi tu fais face, donc un corps, un défunt, un mort, que toi tu es vivant, donc oui, là tu prends bien conscience de ta réalité, de mouvement, de conscience, oui, tu prends conscience de ta vie, vraiment, pleinement, et de ce que tu peux faire, pas faire, ce que tu as envie de faire, d'où l'importance de ne pas cacher la mort, quoi. Il faut la rendre visible et du coup elle en devient belle. Moi, je trouve que c'est très beau. Je trouve qu'il a une beauté. Ce qui m'a impressionné au début, c'est la densité du corps, en fait. J'avais, je crois, jamais pris conscience de la densité d'un corps humain. J'en ai pris conscience quand, quand je les portais avec des collègues pour les déplacer d'un endroit à un autre pour les habiller ou pour faire les mises en bière. Mais honnêtement, une fois que le corps est à la rigidité cadavérique, ça s'appelle comme ça, c'est hyper dense, lourd, dense, et une vraie matérialité, enfin la matérialité puissante, très très puissante. Toutes ces cellules imbriquées les unes dans les autres qui ont fait ce corps, quoi. Sa lourdeur, sa force, son poids. J'ai pris conscience de la puissance de notre corps, en fait, au travers des corps morts. Et j'ai trouvé cette densité belle. Et moi, j'ai été joyeux, souvent, oui, on peut parler de joie. Et même quand ils sont prêts, habillés et dans les cercueils, il y a eu des moments très forts hein, où certains défunts étaient beaux et rayonnés même. Il y a une vibration, c'est évident, c'est évident. Il y a un rayonnement qui se dégage, ça j'en suis convaincu.